Pourquoi est-ce que tu te promènes avec des fausses dents en or, avec des cheveux dégoûtants, en tripotant tout le temps ta quéquette comme si elle était unique au monde? Tu n'as rien d'un super dur. Dehors, il y a des vrais durs qui, un beau jour, te casseront ton petit cul d'innocent. Hey, Sunshine, Chroma, Lee Wright, Zeka, Saint-Michel, DDSK, Episode 2, écoute mon gars, les mix. Sortie nulle part, mis à part d'amour. L'homme et frère suivent pour leur part. On veut tous notre part, mais pourtant j'ai escaladé les remparts. En massif c'est fou, obligé faut qu'on laisse nos traces. C'est gagne mon mal, au cas où y'a un coup de trace. Ça toi fait de la touche m'adresse, mon rat t'agresse. Prends un truc, faut pas que je régresse. À peine commencé, t'es déjà en stress. J'dis que c'est chaud, y'a pas de paillettes et de traces. Ok frère, on met les histoires sur la table. Sortie nulle part, j'avoue que t'es pas du qui tape. Tu veux du rap, alors j'ai la voix. Christ en jeu, les mains sont fumées par les francs à la barre. Vers ça commence, c'est mon place. J'pense avec le rap que j'fais les jets. Mon univers est tout sombre. Je me suis juré que j'sortirais de l'ombre. Mon flow reste un délibide. J'crois que t'es nage, j'manque des pistes. Obligé de me calmer pour prendre mes SNL. Inch'Allah que la vie me pardonne. SNL, tous les jours j'ai frappé le bon putain. J'veux nous test, alors faut que j'te putain. La cité est SDS, la cité putain. J'ai pas dit qu'on est jeune, on veut toutes les ladies. On veut des beaux habits, moi j'ai le bac dans la poche de mon baggy. C'est pour ça j'te dis qu'on est engagé. On va pas lâcher au micro-tier. On va cracher, avec nous on s'attache. DDS qualité, on veut décapiter. Nous contre vous, y'a pas d'égalité. Notre main, notre localité, le RAP, notre moralité. On fait des sons bâtards avec des bruitons. Encore en son bâtard, donc vas-y mollo ma gueule. Si tu veux pas goûter à mon nouveau magnum. Illégal, criminal, mais si wanted. Be white bastos, donc vas-y appuie sur la gâchette. Musique de merde, mon crew c'est rare. Comme les marquis qui vont gagner au parc. Rappeur engagé, parti d'un grand son qui claque et qui veut marcher au pas. Je dis à pompe, pop, pop, pop. Les hommes, ma boîte, des tas, des tas, des tas. Des sous, des de la pape, pape, pape, pape. Des musiques dans les bas, pape, pape, pape. Je suis là pour péter les wars, exposer les stars. Que la femme du commissaire se gagne des wars. Mon place est play, si je suis là pour faire mal. Mais c'est pour faire mettre la pas tous avec ta sous dans un bordel. Nos liguettes aux stars, c'est ma tête. Les tueries, c'est comme père. Dans les rigs, sous de ma chaîne, on s'agresse. Grâce des mots là, sur la gueule des stars. Pète des molaires, pour quelques dollars, on a la dalle à me sortir. Si ça se tenir, au pire, on sait pas se tenir. Moi, je suis plutôt dans le beurre pour mon avenir. Je suis bien sérieux, la feuille close, rien à serrer. Je joue pas la meuf de SP, c'est à la chasse serrée. C'est pour les mangs, devine SMC et Saint-Jump. Pour les voleurs de Bécal, game, brassés dans nos ailes. La fête de son originaire de la banlieue sud. Et les sols surpris, en plein homicide. On rêve de sonner aussi fort que Magnum. On veut jouer les balcons, on fauche les backdones. Sans jamais se prendre étoulé. Mec ça marche pas comme ça. Costa et tape dans une banque, moi je veux être comme ça. Quitter les bâtiments et pioncer dans un pavillon. Et puissant comme un aigle, carte plane comme un papillon. Tenter le papier, percer dans ma passion. Première passionnant, devenir un bon, changerai pas sinon. Je veux être phénoménal, moi je veux être monumental. Je veux être monumental, mon encore roi dans le magnum. Défier les incrédibles, les riches, ceux qui croient ce qu'ils voient. Honorer mon père et ma Côte d'Ivoire. Là on soit fiers de leur fils qui me félicite. Que j'en profite qu'une passe tourne leur fric. Fait que j'ai la rage d'un animal. Y'a plus match amical. J'ai pas que mes amis calmes. J'encourage comme un cannibale. C'est comme Mike. Ici on frappe du Sarkozy. Rien à reposer, on veut l'oseille. Comme ça joue les stars aussi. CNL, trop gangsta ici. Le message t'a reçu. On t'a reçu. Qui nous disparaissent, disparaissaient par aux cieux. Car t'en dis pas assez. On les fuck et ces putes sont contents d'y passer. C'est bien ça le pire. Je baisse tous ces sales porcs qui pensent qu'à l'ouvrir. À nous faire souffrir. Tu vas frôler la mort. L'amour vient de parcours. Qu'elle sans remords. Synonyme, haine et mort. Misogyne, la coupe est pleine à rapport. Elle vient son corps et les grave corps. Mais je m'en bats les couilles. J'dis pas que c'est cool. J'dis pas les péter. J'dis pas que le bac si cool. Ferme ta chatte, petit con. Mes idées, je véhicule. J'attends, chante tout. Non, j'banis la baisse dans ton testicule. TDS, DSK, rappeur engagé. Tu t'es ton t'encule. C'est du rap, rap, super engagé. Les forces ont bien foncé, c'est rappeur engagé. TDS, DSK, dossier illicite. 9-1, ghetto star, c'est le sang de la street. Aïe, aïe, c'est le sang de la street.